dans la prochaine édition d'Assemblage requis. On parle du festival de musique émergente. Et je vous raconte des faits plus ou moins utiles dans la chronique C'est un fait. Ne manquez pas la dernière édition d'Assemblage requis format estival, jeudi 15h et samedi 16h.